Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi darsina al-akhir, bayyana al-nasih li al-mansuh khuturati al-mujalasa, mujalasata al-ashrar. Ay, al-mansuh, il avait demandé un conseil, comment faire pour se... pour s'écarter des mauvaises fréquentations. La cause de son égarement, c'est les mauvaises fréquentations. Alors, Obama, il veut faire certains efforts, mais il est touché par cette fréquentation. Et il a conseillé هذا الرجل avec des نصائح مختصرة طيبة. ثم قال المنصوح لا يخفى عليك يا أخي أن الباطل إذا دخل في القلوب وتمكن منها لا يخرج بسهولة. أريد أن توضح لي توضيحا تاما بطلان ما عليه هؤلاء الملحدون، فإنهم يقيمون الشبه المتنوعة في ترويج قولهم ليغتر به من لا بصيرة له. يدمند نطخ نصيحة هنا أن الباطل إذا دخل في القلب وتمكن منه، c'est très très dur de s'en débarrasser. Illa man waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala. Khassatan celui qui a appliqué, pratiqué ce batil pendant une longue période. Au départ, c'est difficile. Lakin min anfa' al-asbab, c'est ad-du'a. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala al-shifa wal-hidayah wal-tawfiq wal-istiqama. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala la guider, la guérison. C'est des maladies du cœur. Comme on demande la guérison quand on est touché par une maladie du corps, enfin pour notre cœur, c'est même babi awla. Et qu'elle allait faire des efforts. Et c'est sur ce point qu'il va insister al-nasih. Faqala lahu al-nasih. I'lam anna al-haq wal-batil mutaqabilan wa anna al-khayra wal-sharra mutanafiyan. وبمعرفة واحد من الضدين يظهر حسن الآخر أو قبحه. أي l'importance du علم. Pour savoir que cette chose elle est mauvaise, tu dois faire des efforts في معرفة أصولها. Sur quoi elle est basée cette chose? Qui c'est qui appelle à cette chose? وهكذا الخير. Le خير il est fondé sur quoi? Le bien. دين الإسلام il est fondé sur quoi? Et tu verras que ça va te faciliter à appliquer ce bien et à délaisser le mal. Amma, regarder que les côtés positifs des koufars, ne pas faire des efforts dans l'apprentissage de l'islam, ça a été le fruit, le résultat. Ils ont été attirés par les sociétés de l'Occident, ma'alayhi al-koufar, et oublier la ni'ma dans laquelle ils sont fibilad al-muslimin. La cause, c'est hada. لماذا لأن بعض الناس ليل ونهار أكن فوق في العلم فقط devant la télévision أو devant internet. Et تعلمون أن les médias ils font tout pour promouvoir, pour propager ما عليه الغرب avec les films, avec les séries, avec la musique, avec le sport خاص. حتى tu trouves أن هذا il est épaté par هؤلاء. Il y en a le monde des médias, du sport, du cinéma et l'akhiré, c'est pas la vraie vie, en haqiqa. Fi bilad al-kufr, c'est pas comme ça. Lakin hum, ils voient que ces côtés, entre guillemets, positifs pour eux, et ils sont attirés. Thumma fi bilad al-muslimin, il est pas objectif, il regarde la réalité. Matalan, dans la rue, il manque telle chose. Dans tel endroit, il manque de l'eau, ou de l'électricité, ou il y a la pauvreté, ou il y a de l'injustice, il regarde ça. Et fi bilad al-kufr, il regarde ce monde virtuel. Voilà, chaque nawa, il est attiré par haoula. C'est pour ça que al-kufar, la tadunnun, on a cette propagation qui font du sport gratuitement. Tu veux regarder du sport, là, ou des prix qui sont abordables pour tout le monde. Internet, c'est devenu pratiquement gratuit. Tout ce qui te propage comme divertissement au nom de la culture et la akhira, la tadunnun, c'est pour notre bien. C'est pour haram din al-islam. لأن قلب المؤمن يبقى تو أكسبت القلب سيكون ريسيبيون كما تقدم معنا كثيرا si ce récipient il est rempli de batil, de musique, de films, de sport, de qil wa qal, de divertissement, il n'aura plus de place pour accepter le haqq. Et c'est ça leur but. Ça fait le haqq, ils ont colonisé les cœurs. C'est pour ça que cette étape, elle est encore plus grave. Mais avant, là, avant, il n'y avait pas tout ce système des médias, du sport. À l'époque, il n'y avait pas là. Ils colonisaient le bilad musulman directement. Et tu trouves que les cœurs, ils étaient préservés. Même si des musulmans mouraient, nas'alullah subhanahu wa ta'ala lahum ash-shahada, et ils étaient à la khair. Et tu trouves ceux qui restaient vivants, ils les détestaient. Les malades, les anahoum, ils voyaient leur char. À notre époque, ça a changé. Et c'est beaucoup plus grave. Bah, les musulmans, ils pensent vraiment que les koufars, ils veulent notre bien. Et ils pensent vraiment que dans son pays musulman, les gens, ils lui veulent du mal. Allez, ah là, son cœur, il devient malade et il a une mauvaise pensée, mauvaise opinion de son dîn, et il pense que les koufars, ils sont à la haq. C'est exactement ce qui est arrivé à hadha rajul. Et nous, nastavid min hadha, on fait comme un nasih, on conseille. Et anna kathiran min al muslimin, masakin, et à la moun. Ils ne savent pas la gravité, à cause des fitan, à cause des shubuhat, à cause du djal. Nous, walillahi alhamd, on a un rôle à jouer important. An-nasiha, al-bayan, le bon comportement, montrer les bienfaits de hadha din, lillahi azza wa jal. On n'espère pas ni argent, ni récompense, wala shay min hadha. Si on fait ça, lillahi subhanahu wa ta'ala, vous verrez al-khayr se propager. Qala, rahimahullah. فأنبئك على وجه الإجمال والتنبيه اللطيف. هاي va résumer un كلام إن شاء الله profitable. قال إذا أردت أن تقابل بين الأشياء والمتبينات فانظر إلى أساسها الذي أسست عليه وإلى قواعدها التي انبنت عليها. هذا أولا. Si tu veux bien comprendre les choses, regarde les fondements de cette chose. كما قلنا, regarde le kufr, c'est quoi ces fondements? Regarde, l'Occident, il a été fondé sur quoi? Regarde pas tel sport, ou tel film, ou telle série, et tu penses que le kuffar, ils sont à la hada. Ça, c'est de la fiction. Regarde al-haq, hagad al-islam. Regarde pas l'état de certains. Pardon, il voyage dans les pays musulmans, et il s'est fait voler, ou il a subi une injustice, et il yahkoum ala al-bilad kulli. Et il conclut que al-islam, c'est kada wa kada, et il cite les côtés négatifs, ayyadam billah. C'est pas ça, al-insar. Al-insar, c'est tu regardes les sources et les fondements. Qala, wanzur ila athariha wa nata'ijiha wa thamaratiha al-mutafarrigati anha. Wanzur ila adillatiha wa barahiniha allati biha thabatat. Tu regardes les preuves sur quoi elles sont appuyées, tu regardes les arguments, tu regardes les fruits. Moi, il y a une étude bien approfondie. Qala, وانظر إلى ما تحتوي وتشتمل عليه من الصلاح والمنافع ومن المفاسد والمضار. Tu regardes كذلك المصالح, et les choses profitables qui vont découler de cette chose, et كذلك les choses nuisibles. Tu regardes les deux côtés. قال فعند ذلك إذا نظرت لهذه الأمور بفهم صحيح وعقل رجيح ظهر لك الأمر عيانا. أي avec cette objectivité, sincérité, objectivité, ilm, science, et tu étudies et tu verras. قال فإذا عرفت هذه الأصول فهذا الدين الحق الذي دعت إليه الرسل عموما وخاتمهم وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا قد بني وأسس على التوحيد والتأله لله وحده لا شريك له حبا وخوفا ورجاء وإخلاصا وانقيادا وإذعانا لربوبيته واستسلاما لعبوديته. أولا il commence par expliquer les fondements de l'islam. L'islam il est fondé sur التوحيد. Ça c'est une ni'ma azima. Tant que ce muslim c'est un mouhid, il adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, il aime Allah azza wa jal, il aime din Allah, fafihi khayr. Même s'il a des faiblesses, même s'il a des manquements dans le comportement ou autre, ça reste ton frère, wa fihi khayr. Et celui qui contredit hadha al-asl, il adore pas Allah azza wa jal, ou il adore une créature avec Allah subhanahu wa ta'ala, mushrik ou mulhid, même s'il fait apparaître qu'il a du khayr et qu'il veut ton bien, il est à la shar. Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas reconnu haqq Allah azza wa jal, son créateur. Fa kayfa ant. Fa li hadha la taghtar. Ne te fais pas leurrer par haoula s'ils n'appliquent pas hadith tawhid. C'est ça le but de hadith al-bayan. قال وقد دل على هذا الأصل الذي هو أكبر جميع أصول الأدلة العقلية الفطرية ودلت عليه جميع الكتب السماوية وقرره جميع الأنبياء والمرسلين وأتبعهم من أهل العلوم الراسخة والألباب الرزينة والأخلاق العالية والآداب السامية أي جميع الأنبياء والرسل tous les prophètes, tous les messagers, ils ont appelé à ce point essentiel, ce fondement, at-tawhid. L'explication, le sens de la ilaha illallah. Cette kalima que chaque musulman doit prononcer, on doit lui donner beaucoup d'importance. C'est une ni'ma azima. Vivre dans un pays où les gens ils aiment cette kalima, où cette kalima elle est prononcée layl wa nahar, que ce soit fil masajid, que ce soit fil adhan, que ça soit fil bouyout, al-muhim, cette kalima elle est respectée, aimée, et on fait tout pour l'appliquer et montrer à ceux qui la contredisent, c'est une ni'ma azima. Ma fi bilal kuf va yubghidoul hadil kalima. Cette kalima al-an, et le fait de dire Allahu Akbar, tout ça, indahum, c'est un signe de radicalisme, de djihadisme, il a akhiré l'an. Enfin, comment penser que haoula, ils sont à la chèque? أنفع كلمة وأعظم كلمة عند الله لا إله إلا الله يبغضونها. دي لا إله إلا الله الآن أفوأ أوت dans la rue إلى آخره في بلاد الكفر ربما tu es accusé. Et ça arrive هذا. Il propage كثيرا في هذه الأيام أن ça soit à l'école ou autre tu trouves مثلا طفل يقول الله أكبر أو واحد dans la rue يدي الله أكبر إما تعجبا إما pour une cause. Ça arrive المسلم يدي الله أكبر il est accusé directement. أما في بلاد الإسلام فدي الله أكبر أو لا إله إلا الله c'est quelque chose de tout à fait normal. قال وكل أولئك اتفقوا على أن الله منفرد بالوحدانية منعوت بكل صفة كمال منعوت أي موصوف النعت الصفة منعوت أي موصوف أي الله سبحانه وتعالى إلا les attributs parfaits منعوت بكل صفة قال موصوف بغاية الجلال والعظمة والكبرياء والجمال هذا هو توحيد الأسماء والصفات. Tous les messagers sont d'accord. أن الله سبحانه وتعالى il a les noms parfaits, les attributs parfaits. قال وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وأنه منزه عن كل صفة نقص وعن مماثلة المخلوقين. توحيد الربوبية. Avec توحيد الأسماء والصفات. Les deux premiers, توحيد الأسماء والصفات والربوبية. قال وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر إلا هو توحيد العبادة. فالرسل, ils sont tous unanimes, ils ont tous appelé au توحيد. وعبود الله ما لكم من إله غيره. أي أدغي الله سبحانه وتعالى السلام. هذا التوحيد سوى النعمة. قال وأنه لا يستحق العبادة والحمد والثناء والشكر لله فالدين الإسلامي على هذا الأصل أسس وعليه قام واستقام. C'est ça notre دين. C'est fondé sur هذا. Tu trouves الخطأ عند بعض المسلمين. Ils veulent expliquer le دين إما des كفار إما dans les médias. مهم, ils veulent expliquer le دين et ils ne citent pas le توحيد. Ça montre جهل كبير. Expliquer le dîn et ne pas citer ses fondements. Amma ta'ammalu huna l'ilm. Cheikh Sa'di rahimahullah, c'est un imam fi tawhid, c'est un imam fi tafsir. Il explique huna les fondements de l'islam. Il a commencé par le fondement le plus important, at-tawhid. Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannah. Amma al-ba'd, tu trouves qu'ils veulent expliquer l'islam, lakin bi shay min al-mudahana wal-mujamala. Et il parle directement des comportements. L'islam, c'est respecter le voisin. L'islam, c'est être honnête. L'islam, c'est aider les autres. Ça fait partie de l'islam. Lakin, c'est pas asluddin. La preuve, c'est que certains kuffars, ils le font. Ils essayent d'être honnêtes. Ils aident les autres. Ça reste des kafars. Là, l'islam, c'est tawhid. Celui qui aide les autres, qui est honnête. S'il adore pas Allah, subhanahu wa ta'ala, ou yushrik billah azzawajal, ça lui servira à rien. S'il meurt, il est fi nar. Hada, c'est très très important, hada dars. Il te montre c'est quoi l'islam. قال واما ما عليه اهل الالحاد. Après avoir expliqué les fondements de l'islam, il passe au fondement des kafirs. Donc l'islam s'est fondé sur at-tawhid. Et c'est une ni'ma azima. Même s'il y a des manquements, on le répète. Et ce tawhid, il est qa'im. Muntashirun. Walillahi alhamd. C'est une ni'ma. Et là, je sais qu'il y a des manques dans les pays de musulmans fi hada al-bab. Lakin, at-ta'wa. Talab al-ilm, qabla dhalik. On étudie hada al-tawhid. Et inshallah, on essaie de faire profiter les autres. قال وأما ما عليه أهل الإلحاد فإنه ينافي هذا الأصل غاية المنافى فإنه مبني على إنكار الباري رأسا فضلا عن الاعتراف له بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات وأفرض الفروض وهو عبوديته وحده لا شريك له أما دين الكافرين وما عليه أهل الإلحاد Ils contredisent totalement ce fondement, At-Tawhid. On ne parle même pas comme a dit le Cheikh Sa'di, rahimahullah, on répète son kalam. فَإِنَّهُ مَمْنِعَ عَلَى إِنْكَارَ الْبَارِ رَأْسًا صحيح. أَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ الْآنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ حتى l'existence, الوجود, ils disent là, il n'y a pas d'ilah. C'est devenu des malahida. Maddiyoun. Ils pensent qu'à l'madda, qu'à l'argent. حتى عِيَدًا بِاللَّهِ كثير منهم يقولون je ne vois en que ce que je ne crois en que ce que je vois ils sont على هذا المبدا tu lui parles de علم الغيب الآخرة الله سبحانه وتعالى il a des noms des attributs لا يؤمنون بهذا كله فكيسك que tu veux de bien من هؤلاء حتى reconnaître le وجود on parle même pas الآن كما قال الشيخ سعدي رحمه الله فضلا عن الاعتراف بالكمال وعن القيام بأوجب الواجبات sans parler de Al-Ittisah Vil-Kamal, Allah il a des noms et des attributs, Annahu il faut lui obéir. On n'est même pas arrivé à cette étape. L'existence, Yunkirunaha. Et ça c'est Hal Kathir Minhum là. À l'époque, l'Occident, Kathir Minhum, ils étaient à la Din Ahl al-Kitab, imma des chrétiens, imma des juifs. Lakin, les dernières générations, l'un, avec les révolutions qu'ils ont faites, avec la démocratie qui s'est répandue, ta Kathir Minhum. Leurs enfants, un غالبهم c'est des malahida, ayadam billah. La din ou la milla. Ils n'ont plus aucune base. Qala, fadlan an l'i'tiraf lahu bil kalam ou an l'qiyam bi awjab l'wajibat wa afrad l'furud wa an ubudiyatuhu wahdahu la sharika lah. Amma wa bi'ira Allah subhanahu wa ta'ala et respecter les ordres et s'écarter des interdits. La khidr, haoula, ils sont ba'id. Qala, fa ahlu hadha al-madhhab a'azamu l'khalq. مكابرة إنكارا وإنكارا لإظهار الأشياء وأوضحها. Tu trouveras pas des personnes qui ont du kibr comme هؤلاء. C'est pour ça qu'on doit pas regarder que nous. بعض المسلمين يفعلون une erreur أنهم يقولون مثلا ils voyagent في بلاد الكفر أو ils vivent هناك et ils disent لكن أنا j'ai vu ils sont gentils quand j'ai besoin de quelque chose je leur demande ils me répondent. J'ai besoin d'un service, Obama, il me le rend. Les malades, les anahoum, ils regardent que. Tu n'arriveras jamais à connaître une personne si tu regardes par rapport à toi. Il y en a peut-être qui va bien se comporter par rapport à toi. Emma, il a peur de toi. Emma, il espère quelque chose de toi. Emma, c'est son habitude. Il espère pas d'ajr et il n'a pas peur. Al muhim, si tu regardes par rapport à toi, ayyadam billah, c'est très très grave. Là, regarde par rapport à ton Rabb, Azza wa Jal. Est-ce qu'il croit en Allah? Est-ce qu'il croit au messager? Est-ce qu'il croit au Coran? Tu verras que ta vision, elle va changer. Amma, le bâd, il regarde que. Lakin, il ne m'a rien fait. Ils sont à la hada al-mabda' yadam billah. Et que d'alik al-rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux juger une personne, est-ce qu'il y a à al-haq wa al-huda, al-mizan, c'est le rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il croit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il le suit? Amma, ha'oula al-an, kathir minhum, ils se moquent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou ils acceptent les moqueries. Oh, ils disent, c'est la liberté. Même s'ils n'acceptent pas, ils disent, là, qu'ils ne vont pas interdire. Ils sont libres. Hada faqat, ce mabda, ça te suffit à les détester. Fillahi azza wa jal. Qala, faman ankara Allah, fabi ay shay'in ya'tarif, fabi ay hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Celui qui croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, fa qu'est-ce que tu vas espérer? Quel khayr tu comptes recevoir de lui? قال وهؤلاء أبعد الناس عن عبودية الله والإنابة إليه وعن التخلق بالأخلاق الفاضلة التي تدعو إليها الشرائع وتخضع لها العقول الصحيحة. سأبعد الناس الكفر. Les occidentaux qui sont على الكفر سمين بل سأبعد الناس عن عبودية الله وعن الأخلاق الفاضلة. Comme ils se sont écartés de l'ibadah, automatiquement, ils se sont écartés des bons comportements. L'ibadah, il y en a le bon comportement, il est lié avec l'adoration. Ça, c'est clair. Enfin, comment un qawm qui ne croit plus en Allah, Azza wa Jal, qui n'adore pas Allah, Azza wa Jal, qui ne croit pas en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui se moque, ou qui autorise, ou qui prétend que c'est la liberté de se moquer de lui, ne croit pas au Coran, il se moque du Coran, il déteste le Coran, comment tu penses que ha'oula, ils vont avoir un bon comportement? Hada c'est ba'id. Jiddan. Lakin ba'dan nas, ils pensent à ça. Pourquoi? Al-jahl. Limadha li'annahum, ils ne connaissent pas les fondements de leur dîn, les bases de leur dîn, et ils ne connaissent pas kadhalik les fondements des kuffars. Ba'dan nas, ils ne connaissent pas l'histoire. Et ne pas connaître l'histoire, c'est très très grave, ça fait beaucoup de mal. Il y en a, avec l'histoire, tu comprends beaucoup de choses. Ba'danas, ils connaissent pas l'histoire des musulmans. Ta'lamoun, anna ba'd al-muslimin, ils connaissent rien du prophète, alayhi salatu wa salam. Ils connaissent son prénom, annahu, il s'appelle Muhammad. Amma, si tu lui demandes un peu plus que cela, yajhalou. Ayyadam billah. Il connaît rien de sahaba, il connaît rien de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de l'état, la situation dans laquelle ils vivent, il a akhri. Ils connaissent rien qu'adalik des kuffars. Il connaît des kuffars, faqat ce qu'il a vu à la télé ou ses voisins, il a fait son entourage. Il connaît que ça. Fakif, hada, il va être objectif. قال رحمه الله ومع خلو قلوبهم من توحيد الله والإيمان به وتوابع ذلك فهم أجهل الناس وأقلهم بصيرة ومعرفة بشرائع الإسلام وأصول الدين وفروعه فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة واليقين ما لا يصل إليه أكابر العلماء ولو طلب من أحدهم أن يتكلم عن أصل من أصول الدين العظيمة التي لا يسع أحدا جهله أو على حكم من الأحكام في العادات والمعاملات والأنكحة لظهر عجزه ولم يصل إلى ما وصل إليه كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. Et ça c'est le fruit de leur kibr. أنهم veulent faire croire qu'ils connaissent. Cheikh Saadi هنا رحمه الله montre أن أجهل الناس بالدين c'est le kuffar. Fait le haqiqa, c'est pas étonnant. لماذا لأنهم لا يؤمنون et ils détestent هذا الدين et ils font pas d'efforts pour l'apprendre, donc ils ignorent هذا الدين. لكن à cause de leur kibr, de leur orgueil, ils font croire qu'ils connaissent cette دين. فلهذا قال الشيخ سعدي فتجدهم يكتبون ويتكلمون ويدعون لأنفسهم من العلم والمعرفة والثقافة. Tu le vois هذا dans leur soi-disant spécialiste. Et هؤلاء c'est من أجهل الناس بدين الإسلام. كما قال الشيخ سعدي أن ils arrivent pas au niveau de كثير من صغار طلبة العلم الشرعي. والله un enfant qui a été éduqué sur un minimum de علم. مثلا il a appris شيء من القرآن ثم à un certain âge il apprend الأصول الثلاثة et les 40 حديث de l'imam النووي et une رسالة في الصلاة كاختصار مختصر صفة الصلاة. Et là, après, tu trouveras, il est à la khair, un enfant. Man Rabbu qui te répond. Madino qui te répond. Ayn Allah, il répond. Tu trouves, haoula, certains spécialistes sinines. Wallahi la ya'rifuna shay'an min al-islam. Ils mélangent tout, ayyadam billah. Et au nom de la culture et de la science, il a akhri. Qabla ayyam, qara'tu maqalana ou sami'tu une personne tatakallam anil Qur'an et c'est soi-disant une spécialiste fil Qur'an et cette personne min al kafara, c'est un kafir ou une kafira et sa spécialité c'est le Qur'an. Anzuru al jahl ou yusma'u al jahl et il a conclu anna pour lui il n'y avait pas d'ordre, il n'arrivait pas à comprendre l'ordre. Limadha li'anna il n'a aucun fondement fi usul al tafsir. مثلا il a commencé par al-Fatiha ثم سورة البقرة ثم il n'arrivait pas à suivre. Ouais, il pensait le mesquine qu'il allait lire un livre comme les livres des êtres humains avec des histoires. Il a akhir là c'est kitab Allah sharia des ahkam, il y a des qasas al-anbiya, il y a beaucoup de choses Et la révélation, elle a duré pendant des années. Lakin, vu que cet ignorant, il pensait qu'il allait lire un livre qui a été écrit à Kadamim Bachar, il n'a rien compris. Il aurait su que ce Coran a été révélé pendant des années. Thumma, il aurait su que l'ordre, il est tawqif, et le Nabi sallallahu alayhi wa c'est lui qui a cité l'ordre des sourates, des versets. Et il serait revenu à Kalam Ahlil Ilm. Est-ce que c'est une condition que c'est une histoire du début à la fin? Qui c'est qui a cité cette condition? Mais lakin, vu qu'il a comparé ce livre à Kalam Ahlil Bachar, pour lui, ça lui a paru étrange et ta'ana fil Qur'an. Anzurul jahl. Kadhalik, dans certains livres qui sont enseignés à l'école, عند الكفار, ahyanan, dans les livres d'histoire, vous avez remarqué qu'ils font une khulasa sur l'islam. Wallahi, dans certains livres, ils ont cité min arkan al-islam at-tahar. Anzurul jahl. Ça, c'est des professeurs qui ont écrit un livre pour des programmes qui sont enseignés dans les écoles, il a écrit, et parmi les piliers d'islam, les ablutions. Ndourou ala djah. Ils ne donnent aucun effort. Kadhalik, et ça c'est min makrihim, annahum, ils présentent l'islam. L'islam, ça se divise en deux. Les sunnites et les chiites. Est-ce que ça montre que haoula, ils donnent de l'importance au ilm? Et ce dernier exemple, pour vous montrer, anna, certaines choses, c'est des erreurs à cause de leur ignorance, et d'autres choses, c'est fait exprès. Mais l'islam, il n'est pas divisé. L'islam dit nous wahid. L'islam, c'est قال الله قال الرسول قال الصحابة. Mais ce groupe qu'ils ont cité, les chiites, et ils citent منهم الدروز والإسماعيلية والقرامطة, هؤلاء des كفار عند أهل العلم. Ils sont أكفر من اليهود ومن النصارى. لكن هم هكذا, ils mélangent. On fait attention sur les plateaux télé, كذلك, quand ça parle d'islam, ils emmènent toujours un spécialiste. Et في الحقيقة لا يعرف شيء عن الإسلام. Ils citent des choses, أحيانا tu écoutes ou tu lis, tu te demandes est-ce qu'il est sérieux ou là. Lakin, ce qui est grave, c'est que tu trouves بعض الناس, ils veulent comprendre l'islam عند هؤلاء. Prends l'exemple de l'islam de France. Est-ce que un kafir najis qui ne croit pas en Allah Azza wa Jalla, c'est des malahida en Occident, ceux qui essayent de propager l'islam de France, mushrikun najisun, ils ne croient pas en Allah, ils ne croient pas en messager la akhirah sallallahu alayhi wa sallam, et à la fin il veut nous montrer c'est quoi l'islam de France. Et vous êtes des musulmans, vous vivez en France, on va vous montrer c'est quoi l'islam. Est-ce que هذا يعقل? Et tu trouves بعض الناس ربما مسلم من المسلمين يسوي هؤلاء, et il appelle à cet islam. Pourquoi? لأنهم يكونسوا le fondement qu'il a cité Cheikh Nasser al-Sa'di rahimahullah. Aïe, le fondement du tawhid. Ils auraient étudié le tawhid, ça aurait ouvert les portes à tout, bi idnillahi azza wa jalla. Al-hadhar min haoula. Tu veux comprendre ton din? Apprends ton din عند المسلمين. Tu veux comprendre ton din? Reviens au savant de l'islam. Tu veux comprendre ton din? Apprends l'histoire. Lis les livres de l'imam al-Dhahabi. Lis les livres de l'imam ibn Kathir. Lis les livres de Cheikh al-Islam de Taymiyya et son élève ibn al-Qayyim. Tu veux comprendre l'islam, revient au Coran et lit Kutub al-Tafasir, le tafsir de l'imam ibn Kathir, rahimahullah, le tafsir de Cheikh Sa'di. Tu veux comprendre hadith din, étudie le tawhid, étudie les rasa'il de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab. Ah, là, si tu veux comprendre l'islam. Amma, un ennemi de l'islam qui déteste ton din et va te montrer les bienfaits de ton din, fa'abadan. Qala, فكيف يثق العاقل فضلا عن المؤمن بأقوالهم عن الدين فأقوالهم في مسائل الدين لا قيمة لها أصلا. تأملوا قوله كيف يثق العاقل من سلا فضع علم كم أعاقل quelqu'un qui a la raison, il pourra faire confiance à un ennemi de l'islam pour qu'il lui montre l'islam. Est-ce que tu as déjà vu un juif Yahoudi, Najis, il déteste les musulmans et les juifs. Et les musulmans, ils détestent les juifs. Est-ce que tu as déjà vu un juif, il veut apprendre la religion juive vers un musulman? Abadan. Abadan, ils savent que les musulmans, ils détestent les juifs. Et Abadan, ils vont apprendre leur religion vers nous. Enfin, pourquoi nous, en tant que musulmans, ça serait des kafara malahida qui nous montrent notre Dieu? Ça nous montre, il y a ceux qui suivent Haoula, qui suivent l'islam de France. Là, chaque, ils ont un gros problème dans leur dîn, et c'est des ignorants. عياذا بالله. كذلك ils ont un problème في عقولهم, dans la raison. Et ce problème, في الحقيقة, quand on dit ils ont un problème في عقولهم, ça ne veut pas dire que c'est des fous ou ils ont plus la raison. Là, c'est que العقل il est في القلب. La raison, elle est dans le cœur. عند المسلمين. Et vu que le cœur il est tombé malade à cause de des fréquentations, à cause des choubas, à cause de la faiblesse dans l'ilm ou l'ibada, ce cœur il est devenu malade et il comprend plus. Ah, il n'y a pas de secret في هذا. نعم وبقي كلام طويل وأنا تعبت قليلا. إن شاء الله le prochain درس نكمل هذا الباب النفيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ سعدي رحمه الله. فسن رسالة نافعة جدا. Ce genre de risala, si elle serait enseignée dans les écoles, elle serait lue dans les masajid, elle serait résumée dans les khutab yawm al-jumu'ah, khasatan fi bilad al-kufr, traduite kadhalik, et propagée la fiha khayrun azim pour al-muslimin.